إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 79 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. Et c'est le livre écrit par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui est mort en l'an 728. Et donc on est en train de lire le livre avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qu'il a intitulé At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim. Naam. Donc c'est comment on a dit, hein, 728. Chaque fois j'arrive pas à mémoriser la date, il faut que je la répète, comme ça je vais m'en souvenir inshallah. Je pense qu'il est né en 641 si je me trompe pas, mais j'oublie toujours 600 quelques et 728, la date de sa mort, Hijri. Ça c'est selon le calendrier Hijri. Ok, donc aujourd'hui le cours, comme on a dit, 79. On est au passage numéro 29, à la page 584 du volume 2. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il est en train de parler des hadiths qui parlent du fait que les juifs et les chrétiens ont pris les tombes de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des lieux d'adoration, et que à cause de ça ils ont été maudits. Et on explique qu'on est interdit par l'islam de les imiter dans ce genre de choses, c'est-à-dire de les imiter dans le fait de prendre les cimetières ou les tombes ou les tombeaux comme lieu d'adoration, comme lieu de pèlerinage, comme lieu de prière ou des choses de ce genre. On va expliquer toutes les règles à ce sujet. Donc le cheikh il dit: وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعد هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء، وعدي هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء أن لا يتخذوا القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك. ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، إما مظهر للنهي وإما موجب له، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها، أو أنها علة مقتضية للنهي. وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة. Donc il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit que ceux qui étaient avant nous prenaient les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, et que cette description est mentionnée par la lettre, est mentionnée Et il dit وعدي أو عد هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء. Donc en fait le cheikh il explique qu'on a été interdit donc de faire comme eux parce que eux ils l'ont fait, donc nous on doit pas le faire. Et donc le cheikh il explique qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, c'est que est-ce qu'on a été interdit de le faire parce que c'est quelque chose que eux ont fait, hein, donc c'est ça qu'il est en train de discuter. Et il dit dans les deux cas c'est quelque chose qui est, hein, c'est quelque chose dans lequel on est ordonné de les contredire, ou quelque chose dans lequel on est ordonné de les contredire, et c'est quelque chose qui a été yani, voulu et demandé de la part du législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale, puisque tout ce que yani, on doit essayer de contredire les gens du livre de façon générale. Cheikh Al-Fawzan il va clarifier ce point-là et l'expliquer. Il dit قوله وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء مساجد, أي أن سبب النهي لأمور. أولا أنه فعل من كان قبلنا, وهو فعل مذموم لأنهم خالفوا ما أمرهم الله به. ثانيا أن فعلهم هذا هو إشراك بالله, أو هو يؤول إلى الإشراك بالله عز وجل. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. رابعا أنه لعن من فعله, واللعن يقتضي أن المعصية الملعون صاحبها بسببها فاعل كبيرة من كبائر الذنوب, ولا شك أن هذا الفعل شرك. وخامسا أننا نهينا عن التشبه بهم في أفعالهم وهذا من أفعالهم. Donc le cheikh il explique que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit ceux qui existaient avant nous, ceux qui étaient là avant nous, en parlant des juifs et des chrétiens, et il dit qu'ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière ou des lieux d'adoration, et que ça c'est une des causes, hein, de l'interdiction. Mais il y a plusieurs causes de l'interdiction, et le cheikh il en a énuméré 5 causes. La première cause de l'interdiction, c'est-à-dire pour laquelle on a été interdit de prendre les tombeaux comme des lieux de prière ou des lieux d'adoration, hein, on n'a pas le droit de prendre les tombeaux de nos prophètes ou bien des hommes pieux comme lieu d'adoration. La première raison, c'est parce que c'est une des actions que ceux qui vivaient avant nous ont fait. Donc c'est une action qui est blâmable, parce que les gens du livre ont contredit ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ordonné de faire. Donc ça c'est la première explication ou la première cause de l'interdiction. La deuxième, c'est que leur action c'est en fait une forme de shirk avec Allah, ou bien que c'est un acte qui va amener à long terme à tomber dans le shirk avec Allah. Donc soit que les gens qui vont dans les tombes pour adorer ils vont pour adorer Allah, ils vont pas pour adorer les gens qui sont enterrés dans la tombe, hein. S'ils vont pour adorer Allah à cet endroit là où il y a une tombe, et qu'ils font exprès d'aller à l'endroit où il y a la tombe pour adorer Allah, eh bien c'est pas nécessairement shirk puisqu'ils adorent Allah seul, mais à long terme ça peut les amener à tomber dans le shirk, parce qu'ils croient ou bien ils vont croire en premier que le fait de prier Allah ou d'adorer Allah dans cet endroit là ça augmente la valeur de leur prière, ou bien ça les aide à se concentrer plus, ou bien que c'est un endroit ils pensent qu'il y a une bénédiction dedans, ou des choses de ce genre, et tout ça ça amène en fait à des innovations. Puis à la longue, ça amène à tomber dans le shirk. Hein? Donc, soit que c'est du shirk s'ils adorent directement les gens qui sont enterrés dans ces tombes et qu'ils leur demandent directement en dehors d'Allah, hein, ils leur demandent l'intercession, ou ils leur demandent de la guidance, ou ils leur demandent du risque de la subsistance, ou bien ils leur demandent la guérison d'une maladie, ou bien ils leur demandent un bienfait dans la dunya ou quelque chose de ce genre. Tout ça c'est des exemples de shirk majeurs, hein, puisque c'est d'invoquer une créature au lieu d'adorer le créateur. Et soit que, comme on a dit tout à l'heure, soit qu'ils vont pas pour adorer ceux qui sont enterrés, hein, ils vont pas adorer directement ceux qui sont enterrés à cet endroit-là, mais ils vont pour adorer Allah à cet endroit-là en particulier parce qu'ils pensent que cet endroit-là a une caractéristique particulière qui fait que la prière à cet endroit-là a plus de valeur, ou bien qu'elle sera plus exaucée, ou bien qu'elle aura plus de récompenses, ou des choses de ce genre. Et ça, à long terme, comme on a dit, ça ramène au shirk. Et ça va les amener à tomber dans le shirk. Naam. Après, le cheikh, il l'explique comme troisième raison de l'interdiction. C'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a interdit. Déjà, ça aussi, c'est une cause, hein, une raison en soi. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, ça suffit comme raison pour yani être une cause de l'interdiction. Le point numéro 4 que le cheikh a mentionné, c'est que il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui le faisait. C'est-à-dire, il a maudit celui qui prenait les tombeaux des hommes pieux et des prophètes comme lieu de prière. Donc il les a maudits. Il a maudit ceux qui faisaient ça, les juifs et les chrétiens et tous ceux qui font la même chose. Et il dit que cette malédiction-là, c'est quelque chose qui implique que ce péché et la personne qui l'a commis, en commettant ce péché-là, elle a commis un péché qui fait partie des grands péchés, des péchés capitaux. C'est pas un petit péché. Parce qu'on a expliqué déjà. Qu'est-ce qui fait la différence entre un péché, un petit péché, puis un grand péché? Hein? Comme, qu'est-ce qui fait la différence entre al-sara'ir et al-kaba'ir? Al-kaba'ir, on a dit, c'est un péché au sujet duquel il y a une menace d'un châtiment ou une malédiction ou une punition dans cette vie ou dans l'au-delà qui a été mentionnée, ou bien des choses de ce genre. Donc l'an, ça fait partie des choses qui font que lorsque elle est mentionnée par rapport à un péché, ça fait en sorte que on peut savoir que ce péché là est une kabira, est un grand péché parmi les grands péchés. Et donc par conséquent, on peut dire que celui qui fait cette action là c'est-à-dire celui qui prend les tombeaux des prophètes comme un lieu d'adoration, eh bien il a il est sous la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc il a commis un grand péché parmi les grands péchés, et la malédiction d'Allah, puis le fait que aussi la malédiction du prophète, on peut dire aussi la malédiction du prophète dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la malédiction d'Allah sur ceux qui faisaient ce genre de péché là. Donc tu vois, dans des hadiths par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yani la'natullah, comme dans le hadith en question qu'on était en train de lire, la'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, des lieux de prière. Et donc ça, c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Des fois aussi, bon, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mutarajjilati min an-nisa wa al-mukhannithina min ar-rijal. Les hommes qui agissent comme des femmes, puis les femmes qui agissent comme des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits. De même que les hommes qui ressemble à des femmes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Il les a maudits. Donc ça, c'est des exemples de choses, ça veut dire c'est des grands péchés. On a déjà parlé de ces hadiths-là dans les cours précédents dans le même livre, Iqtida. Le cheikh, il dit ensuite qu'il n'y a pas de doute que donc que cette action-là est shirk. Hein? Le fait de prendre les lieux d'adoration, de prendre les tombeaux comme des lieux d'adoration, il n'y a pas de doute que c'est shirk. Par contre, comme on a expliqué, ça peut être shirk akbar, ça peut être shirk asrar. Hein? Vous avez compris comme il faut? Prendre les tombeaux comme des lieux d'adoration, c'est shirk, mais ça peut être shirk akbar ou shirk asrar. Shirk akbar, si les gens qui vont adorer dans cet endroit-là, où il y a une tombe, adore la personne qui est enterrée dans cette tombe. Et il demande à la personne qui est enterrée de la guider ou de lui donner la guérison ou de lui donner quelque chose alors qu'elle est morte. Ça, c'est du shirk majeur. Shirk akbar. Mais si, par exemple, la personne, elle va là-bas, là où il y a une tombe, pour adorer Allah seul. Pas pour adorer le mort, mais pour adorer juste Allah. Mais elle va là-bas en particulier pour prier. On va dire dans ce cas-là, ça c'est pas du shirk akbar, c'est du shirk asrar. Pourquoi? Parce que c'est une cause. C'est quelque chose qui peut t'amener à tomber dans le shirk. Peut-être que les gens qui te voient aller là-bas, ils savent pas pourquoi toi tu vas prier là-bas en particulier. Ils vont penser que tu vas pour prier le mort. Et puis ils voient que t'es un homme qui est religieux, qui est pieux, ils vont te dire, ah, si lui il va là-bas, ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier. Peut-être que ce mort-là, c'est si tu vas prier là, c'est un wali, c'est un saint, tu vas aller là-bas pour prier, peut-être que lui, il peut te guérir ou il peut te donner quelque chose. Donc, les gens commencent à aller là-bas eux aussi pour t'imiter, faire comme toi. Hein? Donc, t'es la cause dans le shirk des autres aussi. Hein? Donc, ça, c'est des exemples aussi de choses graves. نعم. le شيخ il dit ensuite, خامسا أننا نهينا عن التشبه بهم في أفعالهم وهذا من أفعالهم. Donc le cinquième cause de l'interdiction, la cinquième cause de l'interdiction, c'est que on a été interdit de ressembler aux juifs et aux chrétiens dans ce qu'ils font, et cela fait partie de leurs actions, donc on n'a pas le droit de les imiter dans ce genre de choses. C'est-à-dire de prendre les tombeaux des prophètes comme des lieux d'adoration. Les tombeaux des prophètes et des hommes pieux comme lieu de prière ou lieu de culte ou d'adoration. Ensuite, le cheikh dit, وَقَوْلُهُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يُعْلَمُ أَنَّ مُخَالَفَتَهُمْ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ يَعْنِي أَنَّ مُخَالَفَةَ الْكُفَّارِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْوَثَنِيِّينَ وَالْأُمِّيِّينَ يعني أمر مقصود للشارع وذلك من أجل أن يستقل المسلم بشخصيته وهويته ولا يتسرب إليه وثنيات أو جاهليات تدخل في دينه ويحسبها أنها حسنة فالمطلوب من المسلم أن يحافظ على دينه وعقيدته ويغلق الباب أمام البدع وما ليس من الدين ولو كان ذلك مستحسنا عند الناس فإن العبرة ليست بالاستحسان العقلي والعرفي وإنما العبرة بما عليه الدليل من الكتاب والسنة. Donc le cheikh il explique que dans les deux cas, peu importe dans le cas dans lequel, peu importe dans le cas pour lequel la chose a été interdite, peu importe la raison pour laquelle on a été interdit de prendre les lieux où les prophètes et les hommes pieux ont été enterrés comme des lieux d'adoration, l'interdiction de ça, peu importe laquelle des causes on a mentionnées, il faut savoir que de contredire les gens du livre, c'est quelque chose qui est exigé par la Sharia, par la révélation, par la législation divine. Il dit que, c'est-à-dire que de contredire les juifs et les chrétiens, et de contredire les gens de la Jahiliya, parmi les gens qui adorent les idoles, hein, et parmi les gens qui n'ont pas reçu de livre auparavant, qui adoraient autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'ont pas de guidance, eh bien, c'est de les contredire ces différents groupes-là, c'est quelque chose qui est exigé. Hein, et qui est voulu par le législateur, c'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que la raison de ça, pourquoi c'est quelque chose qui est exigé par la charia, c'est parce que le musulman, il doit être indépendant. Hein? Il doit se distinguer, il doit être indépendant dans sa personnalité et dans son identité. Le musulman, il doit se distinguer des kuffars, se distinguer des juifs, se distinguer des chrétiens, se distinguer des athées, se distinguer des bouddhistes, se distinguer des hindous, se distinguer des idolâtres et des gens qui adorent autre que Allah. Se distinguer de tous les autres êtres humains sur la terre qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala seul et qui ne sont pas musulmans. Hein? Pourquoi? Parce que le musulman doit garder son identité islamique et sa personnalité musulmane. Et il ne doit pas se laisser infiltrer ou bien influencer par des formes de paganisme ou des formes d'idolâtrie ou des formes d'ignorance qui rentreraient dans sa religion et lui il penserait par la suite que c'est quelque chose de bien. Il y a beaucoup de gens comme ça malheureusement qui ont été négativement influencés comme ça. Ils disent, par exemple, dans certains pays musulmans, par exemple, tu vois que il y a des pratiques qui sont faites. Les gens les font, ces pratiques-là, c'est des pratiques que qui étaient chez eux déjà avant l'islam. C'est des pratiques que les gens faisaient avant qu'ils se convertissent ou que leurs ancêtres se convertissent à l'islam dans les différents pays musulmans. Et ces pratiques-là, c'est des pratiques contraire à la charia de l'islam, contraire à la religion d'Allah. Et ils les ont, si on veut, islamisées. Hein? Ils les ont introduites et incorporées à l'islam, alors qu'elles sont en opposition avec l'islam. Donc, lorsque des choses comme ça se produisent, eh bien, le musulman commence à perdre son identité. Commence à perdre sa personnalité musulmane parce que sa pratique de la religion de l'islam, elle est plus pure, elle est plus selon les règles et les principes de base, mais elle est selon des principes qui sont contraires à l'islam pré-islamique ou culturel ou des choses de ce genre. Et ça, il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils trouvent que dans leur pratique de la religion de l'islam, il y a des contradictions entre ce qu'ils font et les textes de la révélation, eh bien, il y en a parmi les gens, parmi les ignorants, qui préfèrent mettre de l'avant leur culture et laisser de côté les textes de la révélation. Et ça, c'est de l'égarement total. Parce que le vrai musulman, hein, celui qui croit vraiment en l'islam et qui s'accroche fermement à la sunna, s'il trouve que dans sa pratique il y a une contradiction entre qu'est-ce qui est mentionné dans la révélation et qu'est-ce qu'il pratique lui comme pratique, hein? Peut-être que ces pratiques-là sont influencées par la tradition, la coutume culturelle et des trucs de ce genre. Donc le vrai musulman, lui, il laisse de côté ces choses-là et il s'accroche à la sunna et à qu'est-ce qui est révélé, hein? Et non pas à sa culture. Peu importe son origine, peu importe qu'il soit africain noir ou qu'il soit africain blanc, qu'il soit nord-africain ou kabyle ou amazigh ou n'importe quoi, indien, pakistanais, qu'il soit kurde ou irakien ou turc, ou qu'il soit malaisien, indonésien, ou qu'il soit chinois ou japonais, ou qu'il soit européen ou américain, peu importe. La culture de l'individu, elle ne peut pas prendre le dessus sur la révélation divine. Le musulman, il doit se soumettre à la révélation. Et s'il y a une contradiction entre qu'est-ce qu'il pratique et la révélation, il laisse de côté qu'est-ce qu'il fait et il se soumet à ce que Allah a révélé. Le cheikh, il dit que le musulman, justement, il doit pas laisser sa religion être pénétrée par toutes sortes d'ignorances et de paganisme et des formes d'idolâtrie. Même s'ils pensent que c'est des choses qui sont bonnes. Des fois, il y a des gens qui essaient de penser que des choses sont bonnes. C'est le diable qui leur embellit leurs actions. Et le cheikh, il dit, le musulman, il doit s'accrocher à sa religion et à sa aqida, sa croyance. Et il doit fermer toutes les portes devant l'innovation qui ne font pas partie de la religion. Des choses inventées, fabriquées, qui n'ont pas rapport avec la religion. Même si ces choses que les gens font sont des choses qui sont considérées bonnes par les gens. Parce que l'important, c'est pas qu'est-ce que les gens jugent comme étant bon par rapport à leur logique ou par rapport à leur coutume, mais plutôt qu'est-ce qu'on doit prendre en considération, c'est qu'est-ce qui est établi avec les preuves du Coran et de la Sunna. Ok. Cheikh Ibn Taymiyyah, il continue maintenant, mentionne un autre exemple. Un hadith, il dit وَالنَّهْيُ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ عَنْ هَذَا الْعَمَلِ بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي لفظ مسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Donc le cheikh, il dit, l'interdiction de cette action en mentionnant la malédiction des juifs et des chrétiens, c'est quelque chose qui est rempli dans la sunna. Il y en a plein de hadiths comme ça. Et il dit que dans As-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, il y a plusieurs versions même de ce hadith qui mentionne la malédiction d'Allah sur les juifs et les chrétiens pour avoir pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Soit que c'est la formule qui est mentionnée, c'est قَاتَلَ اللَّهُ, hein, que Allah les maudisse. لَعَنَ اللَّهُ قَاتَلَ اللَّهُ. Donc on retrouve deux versions. La version de Muslim qui dit لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ et la version de Al-Bukhari et Muslim, qui, une autre version qui mentionne قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ. Hein? Donc le cheikh, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a mentionné ça. Maintenant Cheikh al-Fawzan, il va commenter là-dessus. Il dit هذا الحديث يشير كما سبق بيانه الى غلو اهل الكتاب في قبور انبيائهم واتخاذها مكانا للعباده وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سياق التحذير من مشابهة أهل الكتاب في ذلك. وأشير هنا إلى مسألة يكثر السؤال عنها, وهي هل يجوز لعن اليهود والنصارى؟ هل يجوز لعن اليهود والنصارى؟ أقول نعم, نلعن من كفر بالله ومن أشرك بالله منهم, نلعن من لم يستجب لرسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه كافر بالله عز وجل. Donc le cheikh, il explique, il dit qu'on voit que comme c'est expliqué, comme on l'a mentionné dans le hadith qu'on a déjà expliqué, on voit yani que le hadith clarifie l'extrémisme des gens du livre. L'extrémisme des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens, par rapport au tombeau de leurs prophètes et de leurs hommes pieux, et du fait qu'ils les prennent pour des lieux d'adoration. Ne pensez pas que c'est seulement les chrétiens qui prennent les tombes comme des lieux de prière et des lieux de pèlerinage et des lieux d'adoration. Même les juifs, ils font des lieux de pèlerinage et des lieux d'adoration pour leurs hommes pieux, hein, et leurs saints. Donc, ils vont à différents endroits pour vénérer leurs hommes pieux et leurs saints. Hein. Ils font la même chose que les chrétiens, et que les hindous, et que les bouddhistes, et que les autres mushrikines, parmi les mushrikines. Hein. Et en Europe, la même chose, tu vois par exemple, plein de lieux de culte, hein, des endroits où supposément des saints ont fait des miracles ou des choses de ce genre. Dans le sud de la France, il y a le pèlerinage qu'ils font à Lourdes chaque année, hein. il y a un endroit, il y a plein d'endroits comme ça en Europe et en France, et sur le site officiel du Vatican, sur le site officiel du Vatican, il y a même la liste, hein, de tous les endroits ou les lieux de pèlerinage où les gens peuvent aller pour vénérer des saints et les adorer. Hein? Puis ils mentionnent ça, eux, ça les, ils réalisent pas que qu'est-ce que c'est, ces choses-là, que c'est de l'idolâtrie et que c'est du shirk. Il y a même des endroits où ils ont établi le culte de certains soi-disant saints chrétiens ou catholiques, et que ces endroits-là, c'était avant le christianisme, c'était des lieux où des gens adoraient des idoles pré-chrétiennes, c'est-à-dire les Européens avant le christianisme, comme par exemple les endroits aujourd'hui qu'on appelle la France, l'Espagne, et l'Allemagne et l'Angleterre, tous ces pays-là, la Norvège, la Suède et tous ces endroits-là, c'est des endroits où avant les gens, c'est-à-dire avant le christianisme, les gens pratiquaient toutes sortes de croyances, de shirk et de toutes sortes de croyances et d'adoration d'esprit ou d'adoration d'idoles ou d'adoration de toutes sortes de choses en dehors d'Allah. Et les Romains, c'était la même chose, ils adoraient des statues, des étoiles, ils adoraient des représentations d'étoiles, la même chose pour les Grecs. Tous ces gens-là, c'était toutes des religions de shirk qu'ils avaient. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand le christianisme est rentré, hein, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mélangé les enseignements de Jésus avec les croyances païennes qu'ils avaient, puis c'est ça qui a donné à la fin le christianisme. Ça n'a rien à voir avec les enseignements de Jésus. Le christianisme que les gens pratiquent aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les enseignements d'Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. Bien au contraire. Hein, c'est des croyances et des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Puisque le prophète Jésus, c'est un des prophètes de l'islam. La même chose pour Moussa alayhi salam. Moïse, c'est un des prophètes de l'islam. Donc ces gens-là, ils ont déformé l'enseignement et les pratiques et les croyances des prophètes de l'islam, et ils ont inventé qu'est-ce qu'ils appellent aujourd'hui le christianisme. Et ce christianisme-là, eh bien, il a maintenant pris plusieurs formes, étant donné que les chrétiens entre eux se sont divisés. Donc il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a les orthodoxes. Et puis à l'intérieur de ces groupes-là, il y a des divergences, il y a des luttes, il y a des conflits, il y a des combats. Même dans l'Église catholique, même si les gens pensent qu'ils sont unis parce qu'ils ont le pape, puis ils ont l'Église, le Vatican, mais il faut savoir qu'à l'intérieur des évêques et de ces différentes hiérarchies chrétiennes de l'Église catholique, il y a des courants, il y a des tendances, il y a des penchants, hein, il y a des divergences entre eux. Ils sont pas tous du même courant, des mêmes courants parfois théologiques, ils ont des divergences, puis chacun essaie de prendre le dessus sur les autres, hein, parmi eux. Et c'est pour ça qu'il y a des luttes de pouvoir, puis les mêmes choses que vous voyez par exemple dans les élections pour les présidentielles, ou bien les conflits des différents partis politiques chez les laïcs lorsqu'ils font des élections pour élire un président, dans les choses qui sont de la vie mondaine ou séculaire, si on veut, eh bien, la même chose existe à l'intérieur de l'Église catholique. Ils font des conflits, des luttes de pouvoir et des choses de ce genre. Et à une certaine époque, même le pape, on le sait, c'était un souverain qui avait même le pouvoir et le contrôle sur les autres souverains d'Europe, et qui pouvait même, décider même qui allait être roi, qui n'allait plus l'être, hein. toutes sortes de choses qui se sont passées en Europe. Les chrétiens, ils ont une histoire vraiment sombre. Mais malheureusement, les gens ne connaissent plus leur histoire. Naam, donc le cheikh, il explique ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça fait déjà presque 40 minutes. Naam. On a t'as le temps encore. Naam. طيب. Donc le cheikh, il explique que Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avertit. Il nous avertit de ne pas ressembler aux gens du livre dans ce genre de choses. Mais c'est malheureux parce que les musulmans, ils ont imité les juifs et les chrétiens. Et j'ai remarqué ça même, comme par exemple quand tu vois en Europe, même ici en Amérique du Nord, surtout ici au Québec, chaque fois il y a un quartier, une rue, un métro, quelque chose, c'est toujours Saint-Michel, Sainte-Catherine, Saint-Dominique, partout c'est des noms de saints, Saint-un-tel, Saint-un-tel, Saint-un-tel. Et bien tu vas dans les pays musulmans, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de dire saint, ils disent Sidi. Sidi Foulan, Sidi Foulan, Sidi un tel, Sidi un tel. Donc c'est exactement le même principe. Ben eux, ils l'écrivent Sidi, c'est S-I-D-I. Mais en arabe, en fait, ça vient du mot Sayyid. Oui, non, c'est-à-dire que le fait de s'appeler Sayyid ou Sidi, c'est pas ça le problème. Bon, il y a des hadiths à ce sujet-là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit As-Sayyidullah. Le Sayyid, c'est Allah. Le maître, c'est Allah. En voulant dire, on ne doit pas appeler quelqu'un Sayyid parce que c'est Allah qui est As-Sayyid. Mais en même temps, il l'a accepté. Si c'était quelque chose qui exprimait la réalité du statut d'une personne, dans le sens que si quelqu'un était réellement, par exemple, un chef ou un maître de sa tribu, chef de sa tribu ou chef de son peuple ou quelque chose comme ça, comme Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était un des chefs de la tribu, des tribus de Al-Aws wal-Khazraj, une des deux tribus. Puis lorsqu'il est devenu musulman, bon, ils se sont appelés les Ansar. Mais Sa'd ibn Mu'adh, c'était lui le chef de je sais pas si c'était de Al-Aws ou bien de Al-Khazraj, une des deux tribus. Puis quand il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qumu ila sayyidikum. C'est-à-dire, levez-vous pour votre chef. Et en voulant dire que si c'est vrai, dans ce cas-là, c'est permis de l'employer pour décrire quelqu'un. Mais si c'est pas quelqu'un qui a ce titre-là réellement, dans ce cas-là, c'est pas correct de l'employer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Je suis le maître des fils d'Adam. Et il n'y a pas de fierté là-dedans. C'est-à-dire, je ne le dis pas pour me vanter. Tu vois? Donc, on peut l'appeler Sayyid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas correct de le dire à propos de personnes qui ne sont pas Sayyid. Mais eux, ils l'utilisent Sayyid dans le sens de Wali. C'est ça ce que je comprends. Et tu vois même quand j'étais dans certains pays musulmans, j'ai vu ça. Ils ont des bouteilles d'eau, par exemple, et les sources, ils les appellent toujours par les noms de saints. Même ici, au Québec, c'est la même chose. Il y a des sources d'eau. Tu vois, par exemple, ils vont dire, ça c'est la source de Saint-Armand, ou je sais pas, Saint-Untel, ou Saint... Mais là-bas, c'est comme ça. C'est dit un tel. Bon, il y a des sources, des bouteilles d'eau, tu vois, c'est écrit c'est dit un tel dessus. C'est la même notion, parce que c'est dans le soufisme, ils ont fait la notion, ils ont copié la notion de sainteté sur la notion des chrétiens et des juifs. Hein, c'est une, la notion que les juifs et les chrétiens ont de la sainteté, certains musulmans l'ont copiée. Et ils ont essayé de l'islamiser. Alors que dans l'islam, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas, ça. Que tu crois que des hommes ont un pouvoir, que si, même s'ils sont vivants ou s'ils sont morts, ils peuvent donner la baraka, puis ils peuvent guérir, ou ils peuvent faire ci, ou ils peuvent faire ça. Les gens, ils vont à leur tombe. S'il y a une source d'eau à côté de leur tombe, ils pensent que cette source d'eau, elle est bénite, puis ils vont les en mettre dans les bouteilles, puis ils la vendent, puis ils pensent que c'est une eau qui a des attributs particuliers parce que elle sort de cette près de la tombe, et donc elle est pas comme les autres, elle peut guérir certaines maladies, elle peut faire ci, elle peut faire ça. En tout cas, il y a de la djahiliya là-dedans. En tout cas, le cheikh, il nous a averti, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti de ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens dans ces choses-là. Et il dit que, ici, je veux indiquer une question qui revient souvent. Les gens, ils posent souvent la question là-dessus. Est-ce qu'on a le droit de maudire les juifs et les chrétiens? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de dire « La'natullah ala al-yahoud wa al-nasara » Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La'anallah al-yahoud wa al-nasara » Il a dit « Qatarallah al-yahoud wa al-nasara » Donc, est-ce qu'on a le droit de le dire? En principe, oui. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, c'est sûr que nous, en principe, on a le droit de le dire. Mais le cheikh, il répond, il dit oui. On maudit toute personne qui a rejeté la foi en Allah et qui a renié Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui a fait le shirk avec Allah parmi les juifs et les chrétiens, donc on les maudit. Et le cheikh, il dit, il dit, on maudit toute personne qui n'a pas répondu à l'appel de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est un kafir. Il a rejeté la foi en Allah. Hein? Donc, toute personne qui est juif ou chrétien et qui est venue après la prophétie, après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit un prophète, et qu'il a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Coran et de l'islam, et qui n'a pas cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a pas cru en le Coran, c'est un kafir. Et dans ce cas-là, on a le droit de dire qu'il est mal'oun, et de dire la'natullahi ala al-yahoud wa al-nasara de façon générale. Donc le cheikh, il explique, il dit: والله قد لعن الكافرين والمنافقين فنحن إنما نلعن بجرائمهم لا نلعنهم من باب الهوى وإنما نلعنهم بسبب جرائمهم التي أحدثوها في دينهم حيث غيروا دين أنبيائهم. Donc le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a maudit dans le Coran les kafirines, les mécréants, et les hypocrites. Donc il les a maudits de façon générale, ça veut dire qu'ils sont maudits. Et donc nous, dans ce cas-là, on a le droit de les maudire, c'est-à-dire de dire la'anahumullah, que Allah les maudisse à cause de leur crime. Hein? Et on va pas les maudire par rapport à nos désirs ou notre passion, mais on les maudit à cause de leur crime qu'ils ont inventé dans leur religion, puisqu'ils ont changé la religion de leur prophète. Le cheikh, il dit, والنبي صلى الله عليه وسلم ربط لعنهم بجريمتهم الشركية ولا عبرة بقول من يقول لا يجوز لعنهم ويجب أن نتسامح معهم فهم أهل دين ونحن أهل دين فنتجاور معهم وكل له دين وما أشبه ذلك فهم بقولهم هذا يسوون الإسلام بالكفر والشرك بالتوحيد ويقولون أنها أديان. نقول لهم ليست العبرة بأن يكونوا على أي دين، إنما العبرة أن يكونوا على الدين على الدين الحق وهذا هو المعتبر. أما من كان على دين باطل فإننا نتبرأ منه ولا نتسامح معه ونساويه بدين الإسلام أو نساوي بينه وبين المسلمين. Donc le point que le cheikh explique maintenant, c'est très important parce que beaucoup de gens, ils n'ont pas compris hein, ce point-là, et pourtant c'est un fondement dans l'islam. Le cheikh, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a renié leur la malédiction qu'il a mentionnée à leur sujet et le crime du shirk qu'ils ont ramené. Il a dit par exemple que les juifs et les chrétiens soient maudits, hein, que Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont pris les lieux, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Ça, c'est la raison pour laquelle il les a maudits. Il les a maudits pourquoi? Parce qu'ils ont fait du shirk et parce qu'ils ont changé la religion de leurs prophètes. Il ne les a pas maudits parce que juste pour des choses de la dunya. Hein? Il ne les a pas maudits comme si pour dire il va maudire un juif ou un chrétien en particulier. Ou bien il va maudire les juifs et les chrétiens parce que, par exemple, ils ont fait quelque chose que lui, il n'aime pas. Non. Les juifs et les chrétiens sont maudits parce que ils ont déformé la vérité et le message des prophètes. C'est pour ça. Et le cheikh, il dit, donc il dit, celui qui dit, par exemple, on entend cette parole, ce genre de parole, on l'entend de la part de certains aujourd'hui parmi les musulmans, et surtout parmi les gens de l'égarement et les gens déviés, comme les soufis et les musulmans ignorants, les musulmans modernistes, hein, ceux qui disent « moi je suis un musulman laïque hein, » ou bien des musulmans qui disent « moi je suis un musulman athée ». Ça, j'avais jamais entendu ça, mais je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Ça, j'avais jamais entendu ça avant. C'est vraiment l'absurdité totale. Donc, il dit, le cheikh, il dit « t'entends certaines personnes qui disent il n'est pas permis de maudire les juifs et les chrétiens. Il faut être tolérant avec eux parce que c'est des gens qui ont leur religion. Et nous, on a notre religion. Et donc, il faut y aller, vivre avec eux, puis être avec eux, comme ils disent, le vivre ensemble. Hein, le vivre ensemble, puis la tolérance et toutes ces choses-là. Donc, chacun a sa religion et des choses de ce genre. Et en disant ça, le cheikh dit en disant ça, c'est comme s'ils étaient en train de mettre à égalité l'islam et la mécréance, ou le shirk et le tawhid. Hein? Puis ils disent que ce sont toutes des religions, comme si on voulait dire elles sont toutes pareilles. Non, hein? L'islam et le kufr, c'est pas égal. Le shirk et le tawhid, c'est pas égal. Hein? Celui qui adore Allah seul, qui ne prie personne d'autre que Allah, c'est pas comme celui qui adore des idoles ou qui adore des saints ou qui adore des prophètes ou des êtres humains hein, en dehors d'Allah. Il n'y a pas de comparaison à faire entre ces deux choses-là. Et tu ne peux pas mettre les religions des idolâtres et des mouchriquines à égalité avec la religion des prophètes et la religion de l'islam, la religion de l'unicité de Dieu, la religion du tawhid. Naam. Donc ça, c'est un discours qu'on entend aujourd'hui, des gens qui disent ça. Non, mais il faut ça, ce qu'ils disent maintenant, ils disent il faut pas dire que critiquer les religions des autres, il faut pas dire que les autres religions sont fausses, il faut pas dire que les juifs et les chrétiens sont des koufars. Non, parce que eux, ils croient en leur religion, donc ils sont des croyants, mais hein, ils sont croyants en leur religion. Mais le cheikh, il explique, il dit, le problème, c'est pas qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de suivre une religion. On veut pas dire que c'est juste le fait d'être sur n'importe quelle religion qui est important. C'est d'être sur la religion de la vérité. Si t'es sur une religion qui est fausse, ça te sert à rien d'être sur cette religion-là, parce que c'est une religion qui est fausse. Qu'est-ce qui est exigé de toi? C'est d'être sur la religion de la vérité et non pas sur la religion de la fausseté. Si t'es sur une religion qui est fausse, hein, eh bien on se désavoue de toi. Et il y a des koufars, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas la notion de religion. Comme ils disent, comment ça tu peux dire que ta religion est vraie puis l'autre religion elle est fausse? Ils ne peuvent pas comprendre. Hein, pour eux, il n'y a pas de différence entre toutes les religions parce que toutes sont vraies. Et ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris déjà même à la base qu'est-ce que c'est la religion. Parce que s'ils comprenaient qu'est-ce que c'est la religion, ils ne pouvaient pas accepter que toutes les religions sont vraies, ou bien que qu'il n'y a pas une différence entre celle qui est vraie et celle qui est fausse. Déjà, il faut que tu comprennes qu'il y a un seul Dieu qui a créé l'univers et qui a envoyé des prophètes avec des livres. Tous ces prophètes et tous ces livres sont envoyés par le même Dieu. Et il n'a pas envoyé 90 religions différentes avec 90 prophètes différents, non. Tous les prophètes qu'il a envoyés sont tous venus avec la même religion, le même message. Qui est-ce qui a divisé la religion d'Allah? C'est pas les prophètes d'Allah, c'est les hommes qui ont déformé le message des prophètes après ces prophètes-là, et qui ont déformé le message et qui l'ont corrompu. C'est pas Allah qui a envoyé différentes religions, et c'est pas les prophètes qui ont enseigné différentes religions, c'est les gens qui sont venus après parmi les diables humains et les diables parmi les shayatines, parmi les djinns et parmi les êtres humains, qui ont déformé le message des enseignements des prophètes pour créer de la division et égarer les hommes. Maintenant, le travail de chaque personne, c'est de chercher la vérité. La vérité, elle existe. C'est pas facile c'est facile pour celui qu'Allah a guidé de trouver la vérité, mais sinon il faut faire des efforts. C'est pas tu restes assis, tu restes assis puis tu dis mais il y a plein de religions, je sais pas comment faire la différence entre celle qui est vraie et celle qui est fausse. Mais faut que tu fasses des efforts pour trouver, faut que tu cherches, tu vas pas juste rester assis puis attendre, tourner tes pouces, puis tu restes dans la vie en train de manger, dormir, satisfaire tes besoins, puis tu dors, puis après tu meurs, puis c'est fini, comme les animaux. Non, Allah il t'a pas créé comme un animal, il t'a créé avec un cerveau, il t'a créé avec des yeux, il t'a créé avec des oreilles, il t'a créé avec un cœur, pour que tu puisses réfléchir, que tu puisses observer, que tu puisses méditer sur la création, puis que tu commences à te dire, mais pourquoi je suis là, et à quoi ça sert cette existence, pourquoi Dieu m'a créé, c'est quoi le but de mon, le but absolu de la vie. Et tu cherches des réponses. Mais si tu restes assis, tu dis, mais non, je sais pas, il y a des différentes religions, chacune d'elles dit qu'elle est vraie, puis je sais pas quelle est vraie, tout le monde est mélangé. Subhanallah. Donc, c'est vraiment la parole de quelqu'un qui veut pas faire d'efforts pour chercher. Et qui veut pas se forcer. C'est quelqu'un qui se laisse aller par la paresse. Pourquoi? Parce que même dans les choses de la dunya, tu vas faire des efforts pour distinguer. Si on te propose, par exemple, je sais pas moi, tu vas dans un magasin, il y a dix marques différentes d'un produit. Chaque marque, elle dit, c'est notre produit qui est le meilleur. Toi, tu vas pas essayer de comparer les prix, comparer les ingrédients, essayer de voir laquelle est la meilleure? Pour essayer de voir, tu vas acheter un ordinateur, tu vas pas regarder c'est quel qui a le meilleur processeur, quel qui a les meilleures options, tu vas regarder le prix, tu vas regarder l'écran, tu vas regarder tu vas regarder plein de facteurs, puis tu vas dire, celui-là, lui, il est meilleur que celui-là. Celui-là est meilleur que celui-là. Tu vas acheter une voiture, la même chose. Tu es capable de distinguer entre les choses. Même si parfois on va te montrer quelque chose qui est pas bon, on va te le faire paraître comme si c'était bon. Des fois quelque chose qui était bon, l'autre compagnie va te dire non, son produit il est pas bon, achète-le pas, achète notre produit. Alors qu'en réalité c'est l'autre produit qui est bon, c'est pas le sien. Mais ça existe même dans les choses de la dunya, pas juste dans la religion. Donc si les gens ils mentent, et si les gens déforment la vérité, Comment ça tu vas t'attendre, tu t'attends pas que le shaitan il va pas essayer de déformer la réalité de la religion, tromper les hommes pour essayer de les faire aller dans le mauvais chemin, de les amener dans l'égarement avec lui? Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, il y a une religion et c'est la religion d'Allah. C'est le droit chemin. Il y en a un seul droit chemin. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 40, il y en a un droit chemin. Tous les autres chemins, c'est les chemins d'égarement. Toutes les religions, les égarements, tout ça c'est vers l'égarement, c'est les voies du shaitan. Et toi, ton devoir, c'est quoi? C'est de trouver parmi les religions, c'est quel chemin qui mène à la vérité. C'est l'islam. C'est l'islam, la soumission à Allah et le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Une fois que tu as trouvé l'islam, tu es rentré sur le droit chemin. Maintenant tu dois trouver et tu dois savoir parmi les voies, parce que tu vois l'islam est clair, mais il y a des sentiers, des petits sentiers qui vont à gauche et à droite du droit chemin. Une fois que tu es sur le droit chemin, il y a des voies qui viennent pour te faire sortir du droit chemin. Toi, t'étais dans les autres chemins avant. T'étais dans d'autres chemins d'égarement avant de rentrer sur le droit chemin. T'étais dans le christianisme. T'étais dans l'athéisme. T'étais dans le bouddhisme. T'étais dans le christianisme. T'étais dans le judaïsme. T'étais dans toutes ces différentes voies. Puis t'as trouvé le chemin de l'islam. Maintenant que t'es sur le chemin de l'islam, il y a des chemins qui sortent du chemin de l'islam pour t'amener vers l'enfer. C'est les innovations, les groupes, les sectes, les bidas, les péchés qui veulent te faire sortir du droit chemin maintenant. Donc, tu n'as jamais fini de chercher. Tu n'as pas fini de chercher avant d'être musulman. Tu dois chercher pour trouver la voie de l'islam, le droit chemin, le chemin d'Allah. Et une fois que tu es sur le chemin d'Allah, ce n'est pas fini. Tu dois continuer à chercher pour rester sur le droit chemin jusqu'à ta mort, pour suivre le chemin du Coran et de la Sunna. Yarhamukallah. Donc ça veut dire l'effort et le travail et la recherche, c'est quelque chose qui va durer jusqu'à ta mort. Ça finit jamais. Donc si tu penses que trouver la vérité, c'est quelque chose, tu vas juste t'asseoir, tu vas pas faire d'effort, puis que tout va être facile, c'est pas comme ça. Il faut faire des efforts pour trouver la vérité, puis pour rester sur la vérité par la suite. Et c'est une lutte et un combat jusqu'à la fin. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de... Non, c'est continuel, c'est perpétuel, c'est sans arrêt. Et donc, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'il y a des gens comme ça, malheureusement, Allah musta'an. Ils arrivent et ils disent, ah, moi je trouve que c'est trop compliqué, la religion, les différentes religions et tout. Allah musta'an. Puis après tu lui dis, tu dois accepter la religion de la vérité, la religion de la guidance. Et lui, il essaie d'utiliser comme prétexte pour pas accepter la vérité, il essaie d'utiliser comme prétexte l'égarement des autres et la division des autres. Au jugement dernier, Allah il va pas te poser la question sur qu'est-ce que les autres ont fait. Par exemple, il y en a qui disent, oh, moi je veux pas devenir musulman parce que parmi les musulmans, il y en a qui font du terrorisme, il y en a qui font des actes de violence et de terrorisme, donc moi je veux pas me convertir à cette religion-là parce que je veux pas avoir de problème. Quand tu vas, si tu acceptes l'islam et que tu sais que qu'est-ce que ces terroristes-là font et ces khawarij, qu'est-ce qu'ils font, que ça n'a rien à voir avec l'islam. Tu es convaincu de ça et tu as lu le Coran, tu as lu la Sunna, tu as vu les preuves que qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire, c'est contraire à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, au jugement dernier, il va pas te punir pour eux. Il va pas te punir pour eux à leur place. Si toi tu t'es accroché à la vérité. C'est eux qui vont être jugés pour les crimes qu'ils ont faits, pas toi. Donc concentre-toi sur toi-même en premier pour essayer de sauver ton âme à toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Qu'anfusakum wa ahlikum nara. Sauvez vous-même et vos âmes du feu de l'enfer. C'est pas que tu vas essayer de dire, ben attends, je vais attendre que eux soient tous sur le droit chemin, puis une fois que eux vont être sur le droit chemin, là après moi je vais devenir musulman, je vais accepter la vérité. Non. Tu sais même pas si tu sais même pas si eux un jour ils vont être guidés. Et tu sais même pas si toi tu vas être vivant si jamais eux ils sont guidés par la suite. Concentre-toi sur toi. Hein? Il y en a qui disent, ah mais je ne veux pas devenir musulman parce que j'ai vu des musulmans qui font telle chose ou telle chose ou tel péché. Hein? Concentre-toi sur les bases de l'islam et sur les principes de l'islam et les enseignements de l'islam et essaie de les appliquer toi pour être meilleur qu'eux. Hein? Et comme ça, toi, tu vas pas être comme eux. Tu vas être jugé pour tes péchés et tes bonnes œuvres et eux vont être jugés pour leurs péchés et leurs bonnes œuvres. Hein? Allah al-musta'an. Donc le cheikh il explique tout ça et donc il dit, hein, il dit donc il faut être sur la vérité et sur la religion de vérité et c'est ça qui est important, tandis que celui qui est sur la religion qui est fausse, hein, ça lui sert à rien d'être sur la religion fausse, hein. Donc comme par exemple, juste pour donner un exemple, comment tu fais pour savoir que le christianisme c'est une religion qui est fausse? Eux ils disent, mais comment ça tu peux dire que le christianisme c'est faux? Il y en a qui sont fâchés quand je dis ça. Ah, toi tu respectes pas les religions des autres, tu devrais pas parler des religions des autres, ça, tu devrais te mêler de tes affaires. Ajib. des chrétiens qui disent ça. Enfin, des chrétiens qui disent ça. Je dis, bon, premièrement, supposons que ce serait leur argument. Moi j'étais chrétien avant. Donc ça veut dire que j'ai le droit de parler du christianisme et de critiquer. Hein? Mais même si j'étais pas chrétien avant, j'ai le droit de la critiquer quand même si je vois que qu'est-ce qui est enseigné dans cette religion-là est faux. Si je vois que qu'est-ce qui est enseigné dedans est contraire à la vérité, c'est de mon devoir de le dénoncer puis de le clarifier et de le dire et de l'expliquer. Donc quand tu dis par exemple que ces gens-là, ils disent qu'il y a un seul Dieu. Les chrétiens disent qu'il y a un seul Dieu, puis après, tu regardes tous les prophètes qui sont mentionnés dans leurs livres, dans l'Ancien Testament, ils ont tous adoré Dieu seul. Adam, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, Salomon, David, hein, tous les prophètes, sans exception, il n'y en a pas un qui a prié Jésus, ou qui, quand il l'adore, il dit, « Oh Jésus, aide-moi ou guide-moi. » Non, ils disent jamais autre chose que Dieu. Ils adorent seulement Allah. Et ils prient personne d'autre que Allah. Toi, tu arrives après et tu dis, non, il faut prier Jésus. Alors que tu dis, est-ce que Jésus lui-même, il l'adorait d'autre que Allah? Non, il adorait Allah seul. Donc toi, tu me dis maintenant, je ne dois pas faire comme Jésus, je dois faire comme toi. Je dois prier à Jésus au lieu d'adorer celui que Jésus adorait. Elle est où la logique là-dedans? Hein? Déjà, le premier des 10 commandements, c'est que tu dois adorer Dieu seul. Donc, tu vas adorer Jésus, un être humain, qui mangeait, qui dormait, hein, qui avait un corps, hein, comme de la chair, du sang. Si tu le coupes, si tu le piques, hein, il va saigner, il va souffrir, il va sentir la douleur, hein. Il oublie, comme les êtres humains, il dort, hein. Il ignore des choses comme tout le monde. Donc comment tu peux prétendre que c'est lui le créateur des cieux et de la terre? Ça fait pas de sens. Hein? Et lui-même, il n'a jamais prétendu ça. Et il n'a jamais demandé à quiconque de l'adorer. Et c'est pour ça. Donc ça, c'est des exemples. Donc tu vas me dire, comment tu vas dire que cette religion-là est vraie et qu'est-ce qu'elle enseigne contredit déjà les textes que eux-mêmes prétendent croire? Et contredit en même temps aussi, il y a des choses qui sont claires et qui sont logiques. Donc si cette religion-là était vraie, il n'y aurait pas ces contradictions-là dedans. En particulier dans les fondements même de la croyance, dans la base même du dogme, le fondement même de la croyance de cette religion-là, il y a des contradictions dedans. Donc si c'est dans les fondements qu'il y a des contradictions, alors oublie le reste. Tu n'as même pas besoin d'étudier le reste. Si la base elle est fausse, le reste est faux. Hein? J'ai pas besoin d'étudier pendant 15 ans ou 20 ans Le christianisme, pour savoir que c'est faux, ou l'hindouisme, ou le bouddhisme. Si je vois quelqu'un qui se prosterne devant une statue, cette statue-là, elle tombe, elle se casse. Qu'est-ce qui arrive? C'est ça ton Dieu? Celui que tu adores? S'il était Dieu, il allait se sauver lui-même. Il ne peut même pas se sauver lui-même. Comment il peut sauver les autres? Comment tu te prosternes devant ça? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, hein, tu réfléchis, tu utilises ta raison et tu es guidé par la permission d'Allah vers le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est ça la base. Donc, si la base c'est vrai, le reste, déjà ça indique que tu es sur le bon chemin. Mais si la base est fausse et qu'il y a des contradictions même dans la base, alors laisse tomber le reste. Tu ne vas pas te fatiguer à étudier les détails. Parce que ça finit jamais, tu ne vas jamais finir. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas par rapport à la religion. Eux, ils regardent chaque petit détail de la religion. Ah, eux, ils enseignent ça. Ah, ils enseignent ça, ils enseignent ça, ils enseignent ça. Si la base est vraie et que tu es d'accord avec la base et qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de contradiction, et que tu comprends cette base et tu l'acceptes, tu es obligé d'accepter le reste qui vient avec. Parce que si tu commences à dire j'accepte la base mais j'accepte pas le reste, alors tu te contredis toi-même. Hein? Et c'est ça que les koufars ils font maintenant aujourd'hui. Ils attaquent des éléments de la religion que eux ils aiment pas, mais ils attaquent pas la base de l'islam. Parce que le tawhid, personne ne peut l'attaquer. Le tawhid, c'est la base la plus solide, l'anse la plus ferme, qui ne se brise jamais. Al-urwatil wuthqa. Personne peut critiquer le tawhid. Même les kuffars, même les athées, ils essaient d'attaquer l'islam. Ils essaient d'attaquer la base de l'islam, ils ne sont pas capables. Ils sont capables de critiquer qu'est-ce que certains soufis ou qu'est-ce que certains chiites, qu'est-ce qu'ils font comme bid'ah, comme shirk, qui n'a rien à voir avec l'islam. Mais ils ne sont pas capables d'attaquer les fondements et les bases du tawhid qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Mais c'est pour ça qu'ils courent, ils tournent autour de certaines questions. Oh, vous êtes pas, vous faites ci, ah, oh, la femme dans l'islam n'est pas égale à l'homme. Ah, oh, dans l'islam, il y a la lapidation. Ah, oh, dans l'islam, pourquoi ils parlent juste de ces choses-là? Pourquoi? Parce qu'ils savent que la base de l'islam, impossible de l'attaquer. Alors il passe par à côté pour essayer de mettre des doutes dans l'esprit des gens. Mais une fois que tu as compris que la base elle est vraie et qu'elle est solide, indestructible et qu'elle est ferme, tu l'acceptes, tu l'as acceptée, donc tu acceptes tout ce qui vient avec. Pourquoi? Parce que si la base est vraie et que ça vient d'Allah, tout ce qui vient d'Allah dedans est vrai aussi et tu l'acceptes avec. Parce que tu es conséquent, tu es cohérent. Hein, tu te contredis pas. Et tu sais que si celui qui a révélé cette révélation-là, tu dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il est juste, il est sage, il est omniscient, il a la connaissance de toutes choses, il est doux envers sa créature, il est miséricordieux envers sa créature, tu sais que tout ce qu'il a légiféré comme règle et comme loi est rempli de sagesse, rempli de miséricorde, rempli de bonté, rempli de douceur. Mais si toi tu le vois pas, le problème il n'est pas dans la religion, il est dans toi. C'est toi qui as le problème. C'est pas la religion qui a le problème. Mais c'est la différence entre le mu'min et le kafir. Si tu es croyant, tu l'acceptes. Si tu es mécréant, tu le rejettes. Hein? Et au jour de la résurrection, tu vas être jugé. Si tu l'as rejeté, ce sera tant pis pour toi. Hein? Donc ça c'est important, je m'éloigne un petit peu, mais hein, je m'éloigne du livre, mais le sujet c'est ça, c'est important. Pourquoi? Parce que on doit tous faire la da'wa dans ce pays et tous commencer à faire la da'wa avec ceux qui sont autour de nous, en commençant par nos proches et nos familles. Et des fois on a des discussions avec eux, que ce soit nos proches qui sont pas musulmans, qui sont chrétiens ou qui sont juifs ou qui sont athées. Hein, ou qui sont hindous, ou qui sont bouddhistes, ou qui sont de d'autres croyances, on doit leur expliquer le tawhid et commencer par le tawhid. Parce que tu peux avoir des bonnes relations avec tes proches, même s'ils ne sont pas musulmans, mais il faut au moins essayer d'avoir des conversations et des discussions avec eux sur la religion de temps en temps pour essayer de les amener à l'islam. Et quand tu vois certains de tes proches qui vont dire moi je veux pas que tu me parles de ta religion, parle-moi pas de ta religion, et bien là ils veulent essayer de fermer la porte de la da'wah parce qu'ils veulent pas réfléchir, ça les dérange qu'est-ce que tu leur dis. Pourtant eux, ils vont te parler de leurs idées, de leurs pensées, de leurs croyances, de leurs opinions qui n'ont aucun support, qui ne sont basées sur rien de vrai, rien de bon. Ils vont te les imposer, ils vont t'appeler à répondre à leurs appels dans toutes leurs affaires qu'ils veulent. Mais quand toi tu les appelles à une seule chose, la ilaha illallah, ils veulent te barrer le chemin et ils veulent te fermer la porte. C'est pour ça que cette porte-là, il ne faut jamais la fermer. Et il faut toujours leur faire comprendre avec patience, avec sagesse, que cette porte-là, elle ne peut pas être fermée. Et que si tu les appelles à l'islam, c'est pas pour les forcer à devenir musulmans. Parce qu'ils sont des êtres humains, des adultes qui ont leur tête, leur cerveau, ils sont capables de réfléchir. Tu n'as pas pris un fusil pour le mettre au bord de sa tête pour lui dire « deviens musulman ». Non, tu lui as seulement donné des explications et des arguments logiques, rationnels pour essayer de lui faire comprendre la vérité. Mais lui, il n'aime pas ça parce qu'il est au pied du mur, parce que c'est des arguments qu'il n'est pas capable de contrer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit « ah, tu essaies de me forcer, tu essaies de m'imposer ». Il n'y a aucune imposition, il n'y a aucune force, il n'y a aucune contrainte. C'est la contrainte de la vérité. C'est parce que la vérité, elle est contraignante par elle-même. La vérité, elle est contraignante par elle-même parce que c'est la vérité. Si je te dis 1 plus 1 égale 2, tu es contraint à l'accepter, tu n'as pas d'autre choix. Tu ne peux pas dire « mais ça c'est ton opinion, mais moi je ne suis pas d'accord ». Pour moi, 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Ça fait 4, 6 ou 10. Ou... Mais là, ça veut dire là, tu suis ta passion. Tu suis tes désirs. Tu sais la vérité. Tu la vois claire avec tes deux yeux. Mais au lieu de l'accepter, tu t'enfles d'orgueil. Et donc, tu prétends que c'est ton opinion. Tu joues à la... Comment on dit... Comment ça s'appelle? La diplomatie. Toi, ton opinion. J'ai mon opinion. Ça, c'est ton opinion. Ici, les gens au Québec, ils aiment beaucoup parler comme ça. Chacun a sa vérité. Ça, c'est ta vérité. Moi, j'ai ma vérité. Tout le monde a sa vérité. Comme si la vérité était relative. Pour toi, 1 plus 1, ça fait 2. Mais pour moi, ça fait pas 2. Chacun a sa vérité. Mais ça fait pas de sens. Si c'est comme ça, comment on va faire des maths? Comment on va pouvoir réussir un examen de mathématiques? Si chacun dit, hein, 1 plus 1, ça donne qu'est-ce que je veux. Le professeur, il va donner 100% à tout le monde. Peu importe la réponse. Ah, mais ça, c'est parce que les gens ne veulent pas accepter la vérité. Parce que sinon, ils ne peuvent pas dire des absurdités pareilles. C'est pas possible. Allahu musta'an. Après, le cheikh, il mentionne d'autres hadiths. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقاله وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة يقال لها ماريا يعني، وذكرت من حسنها وتصاوير فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن الله رسول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض نسخه صحيح. Ça, c'est des hadiths qui viennent confirmer et supporter la signification des hadiths qu'on a lus précédemment à propos de la question des tombes et des lieux d'adoration. Dans As-Sahihain, Al-Bukhari et Muslim, Aïcha, radiallahu anha, elle rapporte, selon également Abdullah ibn Abbas, il rapporte aussi, il dit que les deux ont rapporté, Aïcha et ibn Abbas, ils ont rapporté que lorsque la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait un vêtement sur son visage, hein? Et lorsque la révélation était terminée, il la retirait de son visage, et il a dit après que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leur prophète comme des lieux d'adoration, et il a dit ça pour avertir de ce que ces gens-là faisaient. Dans un autre hadith, il dit, dans un autre hadith aussi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha, radiallahu anha, elle dit, Salama et Habiba, ces deux parmi les, des femmes, des sahabiyats et des mères des croyants, hein, deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient parmi celles qui ont fait la hijra en Éthiopie. Donc, elles disent tous les deux que lorsqu'elles étaient, elles ont mentionné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'elles étaient parties en Éthiopie, elles ont vu une église. Et elles mentionnent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'une de ces églises s'appelait l'église Marie. L'église de Marie. Et ça, vous savez, chez les chrétiens, ils appellent souvent leurs églises un des noms de, parmi les noms de Marie. L'église Notre-Dame, l'église Sainte-Marie, l'église un tel et un tel. Il y a plein d'églises comme ça avec le nom de Marie. Juste en passant par rapport à ce que je disais par rapport à la malédiction des juifs et des chrétiens. C'est pas permis de dire à un individu parmi les juifs ou les chrétiens qu'il est maudit. Comme c'est de dire, yani, qu'Allah te maudisse. Mais de façon générale, oui, les juifs et les chrétiens sont maudits. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, oui. Mais de le dire à une personne en particulier, non. Hein? Ça, les ulama, ils font la distinction entre le fait de maudire un groupe en général, qui sont kuffars, ou le fait de maudire un individu en particulier, c'est pas permis. D'accord? Ça, c'est juste pour que j'oublie pas, parce que je risque de passer à autre chose. Naam. Et aussi, naam. Il dit donc, cette église s'appelait l'église de Marie, et, les deux femmes, Salama et Habiba, ont mentionné la beauté de cette église et les statues qu'il y avait dedans. Les statues et les images qu'il y avait dedans. Alors, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là? Quand elles ont parlé de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces gens-là, lorsqu'un homme pieux ou un homme pieux ou un serviteur pieux meurt parmi eux, eh bien, ils construisent ce genre de lieu d'adoration ou ce genre d'église sur sa tombe. Et ils font dedans ces images ou ces statues ou ces représentations. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il a dit, ceux-là sont les pires créatures pour Allah. Ceux-là sont les pires créatures pour Allah. Oulaika shirarul khalqi indallah. C'est-à-dire ces gens-là sont les créatures les plus mauvaises pour Allah. Ceux qui font des lieux d'adoration sur les tombes, là où sont adorés, là où sont enterrés des hommes pieux. Hein, et ils font ces images et ils les adorent en dehors d'Allah. Ça, c'est des mushrikin. C'est du shirk. Le shaykh, il dit ensuite, il mentionne ensuite un autre hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il a maudit les femmes qui visitent les tombes. Il a maudit les femmes qui visitent les tombes et ceux qui prennent des lieux de culte sur les tombes, ou bien qui mettent dessus des chandelles ou des lanternes ou des choses comme ça. Oui, oui. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, le shirk, ça fait longtemps. Et le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique, on va peut-être lire quelques paragraphes là-dessus. OK. Cheikh Al-Fawzan, il dit قوله لما نزل برسول الله صلى الله عليه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit c'est لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت وصار يقاسي من سكراته فإنه صلى الله عليه وسلم ما ترك النصيحة للأمة حتى وهو يعني في هذه الحالة وهو يعني يجود بروحه وقد شغل بأمر نفسه فكان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا؟ قالت يحذر ما صنعوا. يعني ليس الأمر من باب ذكر شيء مضى وانقضى، وإنما هو تحذير من أمر سيقع في المستقبل حتى لا نحذو حذوهم ونسير على ما هم عليه ونقولهم أقدم منا وهم أهل علم وأهل كتاب وما أشبه ذلك من التلفيقات. Donc ça c'est un bon point. Le cheikh il explique que, en fait, moi j'ai traduit, j'ai dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il mettait un drap sur son visage. Le cheikh, lui, il explique d'une autre façon, il dit, c'est lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la mort est descendue sur lui, il était dans l'agonie de la mort. Il souffrait de l'agonie de la mort. Alors, souvent, il mettait un vêtement ou un linge ou un drap sur son visage. Et il faisait ça aussi lorsque la révélation descendait également. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans ces moments-là difficiles où il souffrait, de l'agonie de la mort, et malgré tout, il pensait encore à sa ummah. Et à donner le bon conseil à la Ummah pour le bien de la Ummah. Donc, même dans ce moment-là, il était généreux pour la Ummah, il pensait à la Ummah plus qu'à lui-même. Et il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les Juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Pourquoi? Il dit, il avertissait de ce que ces gens-là avaient fait. C'est-à-dire, il avertissait les musulmans de ce que les juifs et les chrétiens avaient fait pour que nous, on ne fasse pas la même chose dans l'avenir. Donc, le cheikh, il dit, il ne fait pas juste mentionner quelque chose qui est arrivé dans le passé puis que c'est fini. Non. Il avertit de quelque chose qui risque de se produire dans l'avenir pour que nous, on essaie pas de les imiter là-dedans et de faire la même chose qu'eux. Et qu'on dit, ah, mais ils sont plus anciens que nous. Ils ont eu un livre, ils ont eu la science. Et donc, il faut les suivre. Beaucoup de musulmans pensent ça. Non, eux, les chrétiens, ils étaient avant nous, les juifs, ils étaient avant nous, ils sont plus anciens, ils ont eu un livre. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ils savent, parce qu'ils ont de la science. Non, c'est des gens qui ont dévié. Le cheikh il dit, فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيان خطورة الأمر وليس مجرد الإخبار فهو تحذير من التعلق بالأموات أو التبرك بتربتهم أو بقبورهم أو الاستغاثة بهم أو الذبح والنذر لهم أو غير ذلك من أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق من أجل عبادته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة حق لله ففي الحديث يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وقال الله ورسوله أعلم قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Donc on va terminer avec ce passage, puis on continuera avec la suite du hadith la semaine prochaine, inshallah. Le cheikh il dit ici que le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est d'expliquer le danger de l'affaire, c'est-à-dire le danger de prendre les tombeaux des prophètes comme des lieux d'adoration. C'est pas juste de donner l'information de ce que les juifs et les chrétiens ont fait. Il dit que le fait de mettre en garde contre le fait de s'accrocher aux morts et de chercher la bénédiction de leur tombe ou bien de la terre qui est à côté de la tombe, comme le font certains ignorants. Ils vont à la tombe des hommes pieux et ils prennent de la terre dans un petit pot et puis ils amènent ça chez eux, mélangent ça avec de l'eau. Et puis ils se lavent dedans, ils disent ah ça va, il y a de la bénédiction du mort là-dedans. Et des fois même ils vont vendre la terre. Ils vendent ça aux gens pour faire de l'argent. Ils vendent la terre. La terre elle est gratuite, elle coûte rien. Eux ils la prennent, ils la vendent pour faire de l'argent. C'est du shirk en plus. A'oudhou billah. Donc ils font de l'argent avec ça. Je me rappelle quand j'étais petit, je ne sais pas si je veux déjà raconter ça, j'allais avec ma mère à l'oratoire Saint-Joseph, la grosse église qui est là-bas. Il y a un petit magasin où ils vendent des croix, des toutes sortes de choses comme ça. Ils vendent des petites médailles, des petits médaillons que tu mets dans ton cou. Et à l'intérieur, il y a un truc doré, mais à l'intérieur, il y a comme un petit truc en vitre avec un petit carré bleu dedans. Ils disent que le petit carré bleu, c'est un petit morceau de tissu qui est coupé des vêtements du frère André. Le frère André, celui qui a fait construire l'oratoire Saint-Joseph. Ils disent que ça, étant donné que c'est ces vêtements-là, il y a comme quelque chose spécial là-dedans. Si tu le portes, ça peut te protéger ou ça peut te guérir. Et qu'ils prennent même les vêtements de quelqu'un qui est mort. Il pense que ce vêtement-là, il peut te protéger ou te guérir ou te faire quelque chose. Et même, c'est ça. C'est-à-dire, combien de vêtements il avait pour que depuis qu'il est mort jusqu'à aujourd'hui, il continue encore d'en couper. Subhanallah. Et c'est comme il disait, c'est qui disait? En tout cas, ils font comme ça, ils disaient, il y a une statue de Marie qui saigne. Puis ils ont fait des tests, puis ils ont vu que le sang qui était dans cette statue-là, c'est du sang de canard. C'était pas du sang d'être humain. Donc c'est pour dire, ils vendent des choses aux gens, c'est des charlatans. C'est des gens qui font toutes sortes de trucs comme ça. Et il y a des gens qui font ça même chez les musulmans. Hein, et qui disent qu'ils sont musulmans, mais ils font la même chose que les juifs et les chrétiens. Ils disent de même que de chercher le secours de ces gens-là, ou de faire des sacrifices d'animaux à leur tombe, et de faire des vœux pieux. Si tu vas par exemple dans certains pays musulmans, tu vois par exemple il y a des tombes, et ils ont mis par exemple une grille autour de la tombe, et une grille en or, hein, des fois. Et puis si tu veux par exemple avoir un vœu, il y a une petite boîte, tu dois mettre de l'argent dedans. Ou bien tu prends un tissu, tu l'accroches après la grille, tu fais un nœud. Ou bien des fois il y en a même qui viennent avec un cadenas, hein, ils accrochent le cadenas après la grille. Si leur vœu est exaucé, ils reviennent pour le détacher par la suite. puis ils vont faire soit ils vont faire une sadaqa, ou bien ils vont faire quelque chose comme ça, parce qu'ils disent, ah, le wali il m'a exaucé, donc je vais revenir, ils enlèvent le cadenas, ils enlèvent le nœud, ou des trucs de ce genre. Ça, tu le trouves dans les pays musulmans. Ça, c'est des exemples de shirk aussi. Ou bien beaucoup d'autres parmi les formes d'adoration qui ne sont pas permises d'être offertes à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui nous a créés, qui a créé la création dans le but d'être adoré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans Surat al-Dhariyat, le verset 56, je n'ai créé les hommes et les djinns, ou les djinns et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Et donc l'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah seul. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Mu'adh ibn Jabal, est-ce que tu sais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et il dit, Allah et son messager savent mieux. Alors il a dit, c'est qu'il l'adore lui et qu'il n'associe rien avec lui. Qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui dans l'adoration. Ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est un hadith sahih. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera ça la semaine prochaine. بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته